Chapitre 4e. La lettre expliquait en peu de mots comment, arrêté sur le bord même de l'abîme, il allait achever une vie déshonorée par les paroles d'un ami, d'un prêtre vénéré. David était parti pour l'Amérique, recommandé à un négociant du pays, mais sous un nom supposé. Là, pendant 8 années consécutives, il s'était voué au commerce lucratif, mais rude et périlleux, et trafiquant en pelleterie, résolu, dut-il périr à la tâche, à réparer, en partie du moins, le tort qu'il avait fait à sa pupille bien-aimée. Bien que ses gains, considérables en eux-mêmes, fussent accrus par les efforts de l'épargne la plus sévère, sa vie entière n'eût pas suffi à éteindre la 10e partie de son énorme dette. Mais un hasard merveilleux lui avait fait rencontrer, dans une des stations les plus reculées du Canada, un des associés de la maison de banque à la faillite de laquelle se rattachait sa ruine et son déshonneur. Cet homme, qui traînait les derniers jours d'une existence maladive au fond d'une hutte de troncs d'arbres, n'en travaillait pas moins avec ardeur, aidé par 2 de ses fils qu'il avait laissés exprès dans l'Inde, à recueillir tous les débris de sa fortune écroulée. Selon lui, le brusque suicide du principal associé avait seul entraîné la déconfiture de leur maison. Selon lui, l'ordre remis à grande peine dans le chaos de comptabilité, où la raison de ce malheureux s'était perdue, devait rétablir une balance au moins égale entre les dettes et l'avoir de leur établissement commercial. Et il disait vrai, ses espérances, que David traitait d'abord de chimères, s'étaient de point en point réalisées. Après des années de travail et d'attente, le jour de la réhabilitation avait lui pour le pauvre banqueroutier moribond. Cette réhabilitation, complète pour lui, ne l'était pas pour David Stewart, qu'une restitution après coup ne pouvait absoudre d'avoir exposé la fortune de sa pupille, ce dépôt sacré. Néanmoins, en état de lui rendre intacte cette opulence dont il l'avait dépouillée, il espérait pouvoir se représenter devant elle, toujours sous le faux nom qui cachait sa honte, quitte à repartir pour l'Amérique dès qu'il l'aurait revue une fois encore. 1 heure après avoir lu ces détails, et dans le cours de 7 heures, combien de fois ne les relut-elle pas, Eleanor, avertie qu'un gentleman étranger demandait à lui parler, descendait, plus calme qu'elle ne l'aurait cru, dans le breakfast room où il l'attendait. Quand elle entra, il lui tournait le dos, accoudé à la cheminée et la tête appuyée sur sa main. Absorbé dans une émotion puissante, il n'entendit ni la porte s'ouvrir, ni le pas léger qui pressait à peine les épais tapis. Eleanor put le contempler à son aise et reconnaître de lui cette main fine, allongée, aristocratique, qui avait si souvent passé, caressante, sur son front d'enfant, cette main qui, le jour des adieux, s'était posée sur son cœur, dure et froide comme un cachet d'acier. Elle le reconnut mieux encore à une sorte de sanglot contenu qui révélait son angoisse, celle du coupable prêt à paraître devant son juge. « Est-ce vous? Est-ce bien vous ? » s'éclata-t-elle aussitôt. Il se retourna soudain. Elle revit alors sa figure, belle encore, malgré les ravages du malheur et du temps. Elle revit ce regard vivant, ce regard longtemps perdu, jadis la lumière de son cœur. Pourtant il ne la prit pas dans ses bras. Aucun signe de joie ne fut échangé, pas même un serment de main. Frémissante comme un oiseau qu'on vient de saisir, Eleanor restait debout, immobile, à 2 pas de David Stewart, dont les lèvres souriaient, mais souriaient seules. Il fut le premier à se remettre, s'avança, prit la main de sa pupille et la baisa au front comme autrefois. « Je savais que vous m'aviez pardonné, lui dit-il ensuite, je l'avais deviné. Je comptais sur votre noble cœur et je n'ai pas espéré vainement. L'heure est venue, me voici, mes vœux sont exaucés. » Eleanor, à ces mots, par un de ces mouvements instinctifs sur lesquels la bonté n'a aucun empire, se laissant aller dans ses bras qui l'attiraient, se serra, pleurant, contre David. Et tandis qu'elle pleurait, la lueur inespérée qui venait de rayonner à ses yeux disparut sous le flot de ses amers souvenirs. « Ah » murmura-t-elle à l'oreille de son ami, « si vous aviez vu les 2 beaux enfants que j'avais, je les ai perdus tous 2. Tous 2 ont péri le même jour. » Ses yeux rencontrèrent à ce moment ceux de David, qui exprimait une immense pitié. Elle crut voir son ange gardien, venu pour alléger le fardeau de son désespoir. Vainement avait-il encouru le mépris des hommes, vainement les hontes de l'exil, vainement la disgrâce qui s'attache au malheur bien mérité. Ce cœur de femme avait gardé son image adorée comme une idole digne de tout respect, et ce cœur, tandis qu'elle pleurait ainsi, semblait sortir d'un froid cercueil, pour ressusciter à toutes les joies d'une existence complète. pas un mot qui vint l'effaroucher, pas une caresse qu'elle put craindre, rien de terrestre qui vint détruire le charme éthéré. Cette tendre et chaste étreinte était celle d'un père, et quand la première agitation d'Éléanore fut calmée, l'entretien qui suivit fut celui de deux amis. Aussi, le lendemain, quand Éléanore s'éveilla, et lorsque, poussant les volets de sa chambre, il jeta un long coup d'œil sur l'horizon montagneux baigné des clartés matinales, ce fut pour elle un bonheur sans mélange que de songer à David et de se dire « Il a dormi sous ce toit ». Inutile de dire qu'après cette cordiale entrevue, David avait abandonné l'idée qu'il avait eue d'abord de repartir aussitôt après avoir vu Éléanore. Mais il n'en tenait pas moins à garder l'incognito le plus strict, et nul raisonnement ne put ébranler en lui cette résolution bien arrêtée. Il ne voulait risquer aucun affront. Il ne voulait s'exposer ni à la froide curiosité des uns, ni au dédain que d'autres seraient tentés de lui montrer ouvertement. Il continuerait à s'appeler Lindsay, nom familier à son oreille, puisqu'il le portait depuis tant d'années. Nul autre que le vieux Sandy ne pourrait le trahir, et Sandy serait mort plutôt que d'enfreindre un ordre donné par David Stewart. Lady Raymond, la jeune indienne Aya, mortes tous deux, Godfrey Marsden et Lady Margaret Fordyce, tous deux momentanément éloignés de l'Angleterre, rendaient ce déguisement facile. « Écris à Sir Stephen, ajouta David, que M. Lindsay est arrivé à Penryn Castle. Il lui sera probablement plus agréable de traiter ici les arrangements pécuniaires que j'ai à lui proposer. Quant à moi, je serai bien plus à mon aise, stipulant au nom de David Stewart et des deux banquiers de Calcutta, l'un vivant, l'autre représenté par ses ayants cause, que si j'étais ici sous mon nom. S'il me connaissait, il me serait pénible, il me serait peut-être impossible de me trouver en face de lui. Mais, Éléanore, parlez-moi sans contrainte. Sir Stephen est-il bon, généreux? Est-il tel que le représentait Lady Margaret quand elle me demandait pour lui la main de ma chère pupille? Enfin, vous rend-il heureuse? Éléanore hésita. Lorsque je l'épousais, dit-elle enfin avec quelque embarras, je leur ai fait promettre à tous de ne pas me parler de vous. Je me vois forcé de vous demander pareille promesse. Ne parlons jamais, jamais, entendez-vous bien, de mes rapports avec mon mari. David Stewart la regarda cette fois avec une douloureuse surprise, avec un intérêt plus vif que jamais. Elle fit effort pour tourner en plaisanterie ce qu'elle venait de dire. « N'allez pas, lui dit-elle, vous figurez que j'appartiens à quelque barbe bleue. Tous les clés du château, sachez-le bien, sont à ma discrétion absolue. » Mais David Stewart ne put se tromper à l'accent de ces vaines paroles. Son élève, sa chère et charmante pupille, n'était donc pas heureuse? Et comment? Et pourquoi? Sir Stephen méritait-il, sans l'avoir obtenu, l'amour de cette ravissante créature? Ou bien l'aimait-elle et ne l'aimait-il point? De façon ou d'autre, quelle misère! Quelle pitié pour lui, si, la possédant, il n'avait pas su se l'attacher. Pour elle, s'il est voué à lui, elle n'en obtenait aucun retour. « Voyons, reprit Éléanore, ne me regardez pas avec ces yeux questionneurs. Je ne suis pas, j'en conviens, très parfaitement heureuse. Mais de bien meilleures femmes, j'en conviens, ont eu de pires destins que celui dont j'ai semblé me plaindre. Si j'en dis autant aujourd'hui sur ce sujet, c'est pour n'avoir plus à y revenir avec vous. Promettez-le-moi. » « Je vous promets, répliqua gravement David Stewart, que vous ne m'entendrez jamais vous parler de Sir Stephen. D'ailleurs, ajouta-t-il avec amertume, les droits que j'avais, je les ai perdus. Me faire illusion là-dessus serait échapper en partie au châtiment que j'ai mérité. » Le même jour, Éléanore écrivit à son mari dans les termes mêmes où le voulait David Stewart, et la réponse de Sir Stephen ne se fit pas attendre. Elle était telle que David l'avait prévenue, telle que la souhaitait Éléanore. Le maître de Penryn Castle demandait instamment que M. Lindsay, s'il pouvait disposer de quelques semaines, voulût bien les passer au château. Il épargnerait ainsi à Sir Stephen l'ennui de repartir pour Londres aussitôt après son retour chez lui. Dans l'intervalle, il écrirait à son homme d'affaires, à Édimbourg, de venir, de son côté, prendre part aux conférences nécessitées par la restitution inespérée qui enrichissait Éléanore. Sir Stephen ajoutait que sa femme était libre désormais de rétablir entre les mains de Godfrey Marsden la somme à lui léguée par Sir John Raymond, et dont l'honorable capitaine s'était dessaisi quand il avait eu sa mère dans le besoin. À la mort de Lady Raymond, Éléanore avait timidement demandé que tout ce qu'elle laissait passât à son frère, et elle n'avait pu l'obtenir. C'était là un de ses griefs cachés. La tardive générosité de Sir Stephen ne l'effaça pas de son cœur. Elle le trouva mesquin dans cette circonstance, presque autant qu'il l'avait été lors de son refus. La gaieté triomphante, l'enivrement joyeux avec lequel il parlait de l'accroissement de richesse qui lui survenait ainsi tout à coup, déplut aussi à Éléanore. En vérité, se disait-elle, comment comprendre que cet homme, chez qui la richesse n'a pas éteint l'amour de l'or, ait songé à m'épouser, moi, pauvre déshérité? Cet étonnement, avons-nous besoin de le dire, n'était qu'un regret indirect et n'osant s'avouer. L'absence de Sir Stephen laissait à ces deux êtres, si longtemps séparés, réunis maintenant après tant de traverses, le péril de longues heures consumées en doux souvenirs. D'ailleurs, chaque jour de retard aggravait la situation. Lady MacFarlane, Tabitha, comtesse de Peebles, la jolie et coquette duchesse de Lanark, vinrent au bout de quelques jours peupler Penrhyn Castle. Autant de témoins, autant de regards et d'oreilles à tromper. Et comment échapper aux soupçons de Tabitha, si longtemps vieille fille? À ceux de Lady MacFarlane, brutale virago dont la jeunesse n'avait pas été sans aventure, heureusement vouée à l'oubli. Ni l'une ni l'autre, à coup sûr, ne soupçonnaient l'identité du prétendu négociant de Québec. Mais toutes deux s'évertuèrent à comprendre l'espèce d'intimité dont ils surprenaient çà et là des symptômes entre lui et Lady Penrhyn, et leur haine infatigable, tout à coup réveillée, cherchant le mot d'une énigme encore insoluble, anticipait sur les occasions qu'elle allait avoir de se satisfaire amplement. En effet, si nulle arrière-pensée coupable n'avait troublé la première douceur de leur réunion, la fausse position où Éléanore et David se trouvaient placés n'en devait pas moins compliquer leur destinée. Les premiers mots échappés à la jeune femme, qui avait laissé entrevoir, bien atténuée, les misères de sa vie intérieure, avaient alarmé les paternelles sollicitudes de l'homme qui, naguère, par cela même qu'il le compromettait, s'était rendu responsable de son bonheur et croyait encore en devoir compte à Dieu et aux hommes. Cette pensée était un piège, un de ces appâts auxquels l'âme, à demi trompée, à demi complice de son erreur, se laisse prendre, une de ces excuses dont se paye une conscience à demi coupable et scrupuleuse à demi. David s'abusait alors comme Éléanore s'était abusée le jour où elle avait cru pouvoir, sans enfreindre aucunement ses devoirs de femme, dissimuler à son mari le véritable nom de l'autre qui venait s'asseoir à leur foyer. Bien des fois depuis elle s'en était repentie. Elle s'était surprise, rougissant à propos du moindre incident, sous le regard inquisitif de Lady Peebles ou de Lady MacFarlane. Un soir surtout, il faillit tout perdre, entraîné par un irrésistible élan de cœur. Le nom des anciens propriétaires de Dunleth s'était trouvé amené dans le cours de la conversation. « Oh, Monsieur Stuart, s'écria alors Peebles, je n'ai jamais su comment il dépensait tant d'argent. »« Moi non plus, » ajouta-t-il avec un rire hautain, « surtout ne payant rien de ce qu'il devait. »« C'est un homme sans ordre, curieux de tableaux, très hospitalier, ami des plaisirs. »« Que de mots pour exprimer une chose toute simple ?» interrompit la crimonieuse comtesse. « C'était un vieil ivrogne, un vieux fripon. » On peut, ce me semble, se servir d'expressions moins sévères, lorsqu'on parle d'un homme qui n'est plus, remarqua paisiblement le duc de Lanark. « Mrs. Stuart était si bonne, ne fût-ce que par égard pour sa mémoire, » ajouta Lord Peebles, timidement révolté. « Allons donc, » reprit Tib, avec un rire qui tenait du sifflement de la vipère. « Un ivrogne est un ivrogne, un fripon est un fripon, si bonne que sa femme puisse être. » D'ailleurs, quant à elle, je n'ai rien connu de plus orgueilleux. Rappelez-vous comme elle portait haut la tête. Il a fallu en rabattre, et c'était justice. » David Stuart, le dos tourné, feignant de parcourir un livre de musique, s'était jusqu'alors imposé silence. Avec quelle contrainte, on peut deviner. À ces derniers mots, il tourna sur lui-même comme mu par quelque force irrésistible. Mais au moment où ses lèvres s'ouvraient déjà, une main légère se posa sur son bras, une douce voix sonore et murmura ces mots. « Prenez garde !» Si rapide que était le geste d'Éléanore, Tib l'avait parfaitement vu. Elle ne put entendre les mots prononcés, mais elle se rendit compte de leur mystérieux caractère. Le duc de Lanark, lui aussi, avait vu la main d'Éléanore se poser sur le bras de M. Lindsay, et sa franche physionomie exprimait une profonde surprise lorsqu'il dit, regardant David avec attention, « Il faut juger avec indulgence des fautes que nous ne comprenons pas toujours. » Éléanore, près de laquelle il s'était assis, put croire que ses paroles s'adressaient à elle. Le lendemain, après le déjeuner, Éléanore et David se trouvèrent un moment seuls au salon. Le reste des habitants du château s'apprêtaient pour une longue promenade. Ces occasions étaient rares, et on eût pu les croire empressés d'en profiter, Cependant, pas une parole ne fut échangée entre eux. Éléanor sentait de mieux en mieux combien sa position était fausse. Encore 24 heures et son mari allait être de retour. Comment l'aborderait-elle? Comment lui présenterait-elle cet inconnu dont le nom, après tout, pouvait être révélé d'un moment à l'autre? Elle ne comprenait pas l'obstination de David à se taire encore. N'avait-il pas le droit de se montrer le front haut devant tous, maintenant que sa faute était réparée? Et de quel fardeau ne la déchargerait-il pas s'il prenait ce parti? David, lui, ne songeait en aucune manière à cette difficulté de sa situation présente. Ses pensées, peu à peu, s'étaient concentrées sur un seul point. Il allait enfin voir Sir Stephen Penryn, l'arbitre des destinées d'Eleanor. Il allait connaître cet homme aux mains duquel il avait laissé une si douée, une si charmante créature, et qui avait si mal compris la mission sacrée dont il était ainsi investi. Il y avait quelque chose de fiévreux dans cette attente de David Stewart. Chacun ainsi préoccupé, tous deux gardaient le plus profond silence, lorsque Lady Macfarlane, armée de pied en cap, ainsi peut-on parler de ses toilettes raides et viriles, le chapeau en tête, l'ombrelle au poing, ombrelle l'épée ou ombrelle bouclier, suivant l'occurrence, parut à la porte du salon. Derrière elle, et passant la tête par-dessus son épaule, se montra l'implacable Tib, les yeux animés d'une curiosité féroce. « Eh bien, notre promenade ?» s'écria la châtelaine de Glencarrig. « Pardon, » dit Eleanor, subitement arrachée à sa rêverie. « Est-il donc si tard ?»« Pas très tard, » répliqua Tib, « mais c'est aujourd'hui dimanche, et vous oubliez peut-être qu'il faut paraître à l'église. »« Notre chère duchesse prétend qu'elle a mal à la tête, » reprit Lady Macfarlane. « Elle choisit volontiers le dimanche matin pour ses migraines. » « Mais n'importe, Lady Penryn, nous partirons en avant, Lady Peebles et moi. »« Avec un peu de bonne volonté, vous nous rattraperez sans peine, » ajouta Tib, soulignant ces mots qui avaient évidemment un double sens ironique. « Allons, Eleanor, mettez votre chapeau, » dit en souriant David Stewart, lorsque les deux dames eurent disparu. « Suivons au sabbat ces deux édifiantes pèlerines. »« Vous en voulez à Lady Peebles ?» soupira doucement Eleanor. « En vérité, je le regrette, mais je ne saurais m'en étonner. » C'est la plus agressive personne que j'ai jamais rencontrée sur mon chemin. » Ils sortirent ensuite et marchèrent en silence le long d'un ruisseau bavillard, sous l'ombre mobile de jeunes bouleaux agités par une assez forte brise et qui laissait filtrer une espèce de pluie lumineuse sur les gazons du sentier. Ils avançaient rapidement, toujours absorbés dans leurs pensées si diverses. Eleanor s'arrêta tout à coup hors d'haleine. « Voici, dit-elle, un sentier par où le ministre prend toujours. » Les roues de son cabriolet ne sont pas marquées sur le sable. Nous pouvons attendre qu'il passe. Il ne nous reste pas plus de 10 minutes de marche, et si nous gravissons cette hauteur, nous allons nous retrouver avec tout le monde. Soit, dit David, mais alors ne restez pas ici en plein soleil. Retournons sous ces bouleaux que nous venons de quitter. De là d'ailleurs, si vous avez de bons yeux, vous verrez Dunleth, là-bas, ce point blanc. Eleanor n'avait pas attendu pour voir Dunleth que David le lui montra. Mais elle ne répondit rien, occupé en apparence à accueillir quelques brins de bruyère blanche qui se trouvaient à portée de sa main. « Voyons, s'écria-t-elle tout à coup, ne pourriez-vous nous tirer de peine en me laissant vous présenter sous votre vrai nom à Sir Stephen ?»« Je le voudrais, puisque vous le désirez, mais je ne le pourrais vraiment pas. Ma situation serait intolérable. Et à quoi bon d'ailleurs? Quand je l'aurai vu, quand tout sera réglé, ne faut-il pas que je parte? Qui vous y force ?» J'ai traversé l'Atlantique avec une seule pensée, celle de vous revoir, libre enfin de ce fardeau d'infamie qui tant d'années a fatigué ma poitrine. Je vous l'ai dit, Eleanor, je vous l'ai dit le jour même de mon arrivée. Mon départ ne peut être ajourné longtemps. Mon pays, mon chez-moi, ne sont plus ici. Dieu sait où ils sont. Eleanor, attendrie, posa sa main sur celle de David. Ne voyez-vous pas, lui dit-elle, combien vous ajouteriez de bonheur à votre vie? Si vous pourriez passer sur cette fausse honte que vous attachez, je ne sais pourquoi, au nom qui est le vôtre, cette honte qu'a-t-elle de fondée? Comptez-vous pour rien mes biens restitués? 8 années de souffrance et de pénurie, les comptez-vous pour rien? Fiez-vous-en aux autres comme à moi pour peser équitablement ces choses et ne pas vous voir autrement que vous ne méritez d'être vu. Tout le monde, croyez-moi, n'est pas fait comme Lady Macfarlane ou comme Tim Christensen. Si vous restiez, qui nous empêcherait de nous voir? De nous rencontrer à la Narks Lodge, à Londres, partout, et souvent, et presque chaque jour. Vous redeviendriez mon meilleur ami, mon tuteur, comme autrefois. Pensez-y, pensez à tout cela. Ne voulez-vous plus être dans ma vie qu'un rêve pénible, comme pendant ces 8 mortelles années? Et puis, songez encore à ceci. J'ai peur, vraiment peur du retour de mon mari. De ma vie, je n'ai de secret à garder. Celui-ci me remplit d'effroi. Il m'accable, il m'énerve. Ah, ne parlez pas ainsi, chère Éléanor. Ce secret ne saurait être, en comptant bien, que le second tout au plus. Il en est un autre que vous avez bien caché, même à moi. À vous, ou jamais. Et elle leva les yeux vers les siens comme pour lui montrer leur transparence innocente. Et combien peu le mystère pouvait s'abriter dans leur limpide profondeur. Mais David Stuart lui prit les deux mains par un geste familier. « Vous allez donc me dire, et sur le champ, » reprit-il avec un sourire attristé, « le nom qui faillit vous échapper, il y a bien longtemps, le jour qui précéda mon départ. Qui avait su gagner ce jeune cœur? Sur qui se sont perdus tant de chers sentiments, tant de vœux maintenant oubliés? L'avez-vous beaucoup regretté? A-t-il compris tout ce qu'il perdait? Qui donc aimiez-vous? Qui pensiez-vous aimer? » Sous le regard qui la poursuivait, Éléanor semblait se replier comme la sensitive. Ses questions pressées, ses tremblantes étreintes, elle eût voulu s'y dérober comme au contact d'un fer brûlant. David la contemplait avec un étonnement mêlé d'une curiosité, d'une perplexité que chaque seconde augmentait, et ses yeux ardents fouillaient au plus profond de cette âme candide. Tout à coup ses mains laissèrent échapper celles d'Éléanor. Une exclamation sourde et contenue vint mourir sur ses lèvres. Une joie sauvage, effrayante, passa dans ses yeux, si effrayante qu'Éléanor sentit aux deux dans elle-même le cœur lui manquer. Il s'était dressé en pied et la tenait sous cet avide regard, tapis comme la biche blessée sous le couteau du chasseur. Elle voulut parler, pas un mot ne put sortir de sa bouche. « Et que craignez-vous donc, Éléanor ? » lui dit-il avec passion. « Pour l'amour du ciel, qui vous compte déjà parmi ses anges, ne me regardez point comme si vous aviez peur de moi. » « Cette joie ? Pourquoi cette joie ? » répondait-elle avec angoisse. « Faut-il donc la cacher ? Et n'ai-je pas sujet d'être joyeux ? Mais ne redoutez pas mon bonheur. C'est moi, moi, vous m'aimiez moi, aveugle idiot que j'étais. Et cette vie, qui pourrait être si belle, en débris autour de moi, comme après un naufrage. Je n'étais donc pas assez puni ? » En articulant péniblement ces derniers mots, il se prit la tête à deux mains et versa des larmes amères. Éléanor le regardait, dominée par une pitié profonde, mais sans oser ni se rapprocher de lui, ni lui adresser un seul mot. Quand ils entrèrent ensemble dans le temple, Éléanor se croyait parfaitement remise de ses émotions violentes accumulées en si peu de minutes. Mais, tandis qu'au fond de sa conscience déjà troublée, elle cherchait, sans les retrouver, comme la Marguerite de Goethe, les formules de sa prière, sa pâleur, l'ébranlement de ses nerfs, sa démarche indécise et tremblante, était l'objet d'une sorte d'enquête silencieuse dont les regards de Tib et de Lady Macfarlane se transmettaient les questions et les réponses.